Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, porte d'entrée des entrepreneurs d'ici, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la Première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, de la SEDEC, Société de développement des entreprises culturelles, et du député de Jean Lesage, M. André Drouin. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé & Lange, 67 René Lévesque Est, et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Bienvenue à Web Musique, votre émission qui vous propose une sélection de musique en téléchargement gratuit. Mon nom est Simon Roy, donc on va passer la prochaine heure ensemble. S'il y a des pièces qui vous intéressent durant l'émission, vous avez juste à vous rendre sur le site de Web Musique. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir retrouver la playlist de l'émission avec des liens pour télécharger tout ce que vous entendez. Vous avez aussi les différentes façons de me contacter si vous avez des commentaires, des suggestions. Donc, gênez-vous pas. Durant l'émission, vous pouvez toujours me rejoindre au 418-640-1586. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, cette semaine, on va débuter plus doucement, puis ça va vraiment dégénérer vers la fin. Donc, on va débuter avec un artiste du nom de Harris Pilton, un petit jeu de mots avec Paris Hilton. Sa pièce s'intitule Shaman Dub. Ensuite de ça, sur l'étiquette chinoise Bypass Net Label, on va écouter Enco avec sa pièce Stop. Donc, on débute tout de suite Web Musique avec Harris Pilton. I'm going to the limit. I'm going to the limit. He's a guy in the White House. He's really getting ready to. Hey! Cette pièce qui tombait en lambeaux à la toute fin, c'était une pièce de Enko, c'est un russe, c'était sa pièce Stop, publiée sur l'étiquette chinoise Bypass Netlabel. Netlabel, assez intéressant, donc une interface vraiment rétro pour trouver les albums. Il faut que vous tapiez des commandes pour pouvoir accéder aux pièces. Donc, allez voir le site de Bypass Netlabel pour un petit peu de nostalgie. On avait donc commencé avec un artiste de la Slovénie, c'est Aris Pilton avec sa pièce Shaman Dub. On va poursuivre avec une pièce publiée par l'étiquette Constellation Records. C'est un album qui s'en vient le 14 mai. L'artiste s'appelle Saltland. C'est Rebecca Foon, une violoncelliste. Une pièce vraiment intéressante. La pièce s'intitule ICA. Ensuite de ça, ben, ça va être un artiste qui est publié sur l'étiquette allemande Edphonica. C'est ABC 100, un artiste qui nous vient de la ville de Moscou. Je vous fais entendre sa pièce Night. On écoute tout de suite Saltland à Away Music. Thank you.

de la ville de Moscou. C'était ABC 100. Sa pièce s'intitule Night. C'était publié sur l'étiquette Headphonica. Avant ça, publié sur l'étiquette Constellation Records, c'était Southland avec la pièce ICA. Ça s'est tiré d'un album qui va paraître le 14 mai, donc sur l'étiquette. On va poursuivre avec un artiste, une pièce, je pense que c'est peut-être mon coup de cœur de la semaine, une pièce vraiment envoûtante, vraiment mystérieuse. C'est un artiste de la ville de Beyrouth, au Liban, c'est Mounma. Je vous fais entendre sa pièce « La loi des 12 tables ». Oh, une super pièce du Libanais Mounmar. C'était La loi des 12 tables. Je vous invite à aller visiter son profil SoundCloud, plein de pièces vraiment merveilleuses. Une belle découverte pour moi cette semaine. On va poursuivre avec deux albums différents publiés sur l'étiquette française Fresh Pulp Records, des habituelles émissions. C'est pas mêlant. Tous les albums qui sortent sur Fresh Pulp Records sont vraiment excellents. On va débuter tout d'abord avec un artiste de la Croatie, c'est Dynasty. Je vous fais entendre sa pièce Sludge Massage. Ensuite de ça, c'est un remix de Tiburk, un artiste qui vient de la ville de Saint-Étienne en France. C'est remixé par Maxime Robin, donc un beatmaker qui demeure à Montréal, un beatmaker vraiment prolifique qui a participé donc à remixer la pièce Here Before de Tiburk. Vraiment excellent, vous allez voir. Donc on écoute tout de suite Dynasty à Web Music. Préserver son humanité, sa morale et ses idéaux est un combat quotidien. Le Théâtre du Trident présente, jusqu'au 30 mars, Rhinocéros, l'œuvre retentissante d'Eugène Ionesco, dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau. Une pièce composée de personnages en apparence normaux qui évoluent dans un univers décapant. Pour information, 88-643-8131 ou letrident.com. Vous êtes graphiste ou artiste émergent de la Ville de Québec? Du 1er mars au 1er avril, la mesure Première Ovation vous invite à relever un défi créatif de taille. Proposez une nouvelle affiche pour Première Ovation. Proposez-nous des concepts novateurs et audacieux. Et courez la chance de devenir le visuel officiel de Première Ovation et de voir votre création diffusée à la grandeur de la ville. En plus, il y a 2 500 $ en prix. Pour savoir comment, consultez premièreovation.com et soumettez-nous vos concepts avant le 1er avril. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Vous écoutez CKRL 89.1. De retour à Web Musique, toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait une pièce de Tiburc remixée par Maxime Robin. C'était la pièce Here Before. C'était publié sur l'étiquette Fresh Pulp Records. On va poursuivre avec un peu de musique un petit peu étrange. Vous allez voir des drôles de remix tout d'abord. Un peu de musique des Balkans, mais façon électronique. Donc, on va débuter avec DJ Click, un artiste de la ville de Paris en France. C'est un remix de Al Wat Deb. Vous allez voir, vraiment excellent. Ensuite de ça, c'est une pièce de Chantel remixée par Raphaël Aragon. C'est la pièce Benaz Indob. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Thank you. Tropical Masala. Fire! Masala. Toute une pièce, donc, c'est un remix par Raphaël Aragon d'une pièce de Chantel. La pièce s'intitule Binaz in Dub. Avant ça, de Paris, c'était DJ Click avec la pièce Alwa Debd. C'était donc deux pièces qui remixaient façon un peu tropicale, la musique des Balkans, tropicale électronique. On va poursuivre avec un peu de joke publié sur l'étiquette Yarn Audio. Je vous fais entendre Balloon Fight avec la pièce Breathe. Voilà un peu de joke, donc, à Web Music, c'était Balloon Fight avec la pièce Breathe. C'était sur l'étiquette Yarn Audio. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger les pièces de façon gratuite et légale en vous rendant sur le site de Web Music. C'est au www.webmusic.ca. On va poursuivre avec deux pièces vraiment intéressantes. C'est un style de musique tout nouveau que j'ai découvert aujourd'hui. C'est le squeezed. C'est donc un mélange de musique scandinave. C'est le squee. Vous en avez peut-être déjà entendu. C'est donc musique lo-fi analogue, donc de R&B et dubstep, mélangée avec musique folklorique de l'Europe de l'Est, donc le squeezed. Deux pièces assez intéressantes. On va débuter tout de suite avec le groupe au nom que j'adore. C'est United Game Boys of Bratislava. C'est donc la pièce, attendez un peu que je vous dise le titre, c'est la pièce Party Instrumental. C'est un remix de Gaex Karaoke Tundra. Vous allez voir, vraiment excellent. Ensuite de ça, c'est FSOP avec Deadva Shake. Donc, vous allez reconnaître la fameuse pièce de Harlem Shake qu'on a entendue un peu trop souvent récemment. Vous allez la réentendre dans cette pièce-là. Donc, on écoute tout de suite United Game Boys of Bratislava. Terroristami. Thank you. c'était donc FSOP avec la pièce Dead Va Shake. Avant ça, c'était United Game Boys of Bratislava, donc deux artistes publiés sur l'étiquette slovaque Stroboscope. Ça va déjà être tout pour Web Musique. On va se quitter sur une dernière pièce. Donc, restez à l'antenne tout de suite après. Ça, c'est l'émission La Croche-Oreille, donc une émission en art audio. Restez à l'écoute, c'est toujours excellent. On se quitte sur une dernière pièce de Joke Ellington. La pièce s'intitule Party Bitches. C'est un remix de El Quiqui et Nathaniel Nose. Vous allez voir, vraiment bon. Donc, ben, passez une bonne soirée à l'antenne de CKRL. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, T et Lange, 67 René Lévesque Est et au Dorsay, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Il était une fois Québec présente un repas dans l'histoire d'une ville, en collaboration avec l'hôtel Le Priori et le restaurant Le Toast. Alliez votre goût de l'histoire à la fine cuisine gastronomique. Le temps d'une soirée, incarnez un personnage historique tout en vous délectant d'un somptueux repas digne de la table du gouverneur. Votre hôtesse Valérie Devalois vous convie à participer sous le signe de l'humour et de la gaieté à ce concept